Jean Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 7 avril 2023. Voici les grands titres. Le Conseil des ministres de ce mercredi 5 avril a recommandé à l'Office burundais des recettes de renforcer ses mécanismes de collecte des impôts et taxes. Vous entendrez un extrait du compte rendu de ce conseil avec le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Et le concours national édition 2023 se déroulera du 30 mai au 1er juin, annonce faite ce vendredi par le ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique. Et l'Assemblée nationale et le Sénat gabonais réunis en congrès ont opéré ce jeudi 6 avril une révision de la constitution du pays permettant de réduire le mandat du président de la République de 7 à 5 ans. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. L'Office burundais des recettes, OBR, est appelé à renforcer ses mécanismes de collecte des impôts et taxes dans le but d'augmenter les fonds que le gouvernement doit utiliser pour le budget de fonctionnement annuel exercice 2023-2024. Ceci ressort du projet de loi portant budget 2023-2024 présenté au Conseil des ministres ce mercredi 5 avril par le ministre des Finances. Ce projet exhorte également l'Office burundais des recettes à améliorer les outils de collecte des recettes, en l'occurrence les lois révisées et l'infrastructure informatique. Suivez cet extrait du compte-rendu avec le porte-parole du gouvernement et secrétaire général Prosper Naourouami. Dans le but d'augmenter les recettes, d'importantes mesures sont prévues. Ainsi, l'OBR va poursuivre et entreprendre les actions suivantes. Le renforcement de la collecte des taxes sur les activités du secteur minier. La prise des dispositions pour réduire le secteur informel à travers une fiscalité de proximité. L'application rigoureuse de la loi concernant les dividendes à verser à l'État. L'initiation de la révision des textes et la procédure d'octroi des exonérations. L'accélération du processus de recouvrement des arriérés par l'Office burundais des recettes. L'amélioration des outils de collecte des recettes, en l'occurrence les lois révisées et l'infrastructure informatique au commissariat des douanes et assises. Le renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption, la fraude et la contrebande. L'amélioration des mécanismes d'élargissement de l'assiette fiscale, conformément aux nouvelles lois sur les procédures fiscales, l'impôt sur les revenus et la loi sur la TVA. Le suivi rigoureux des remboursements de la TVA. La mise en service généralisée du système de facturation électronique. L'implantation d'un système de télédéclaration et de télépaiement. Après échange et débat sur ce projet de budget, le Conseil des ministres est abouti aux conclusions suivantes. S'asseoir sur le budget proposé et le restructurer autrement pour tenir compte de la notion de budget-programme. Les dividendes en provenance des entités dans lesquelles l'État dispose des actions doivent être clairement budgétisés comme recettes. Les budgets des structures de l'État à gestion autonome, c'est-à-dire les dépenses et les recettes, doivent apparaître dans le budget de l'État. Parallèlement, les ministères sont appelés à définir les programmes avant de demander les budgets y relatifs. Une équipe d'experts économistes va être mise en place pour restructurer ce budget conformément à ses orientations. Et le projet sera ramené à analyser en séance extraordinaire du Conseil des ministres le plus rapidement possible. Et les travaux de construction du barrage hydroélectrique Kabosez en Provence et Chivitoke n'ont pas pris fin le 31 mars comme prévu dans le contrat d'exécution de ce projet. Le ministre de l'Énergie et des Mines l'a dit ce mercredi au Conseil des ministres, Ibrahim Ouizeye, ayant indiqué que le chef d'entreprise exécutant ces travaux de construction de Kabosez a expliqué son retard par le fait que le fournisseur des matériaux propose la revue à la hausse des prix. Suivez encore une fois Prosper Naourouami. Cette note indique la problématique de l'exécution des travaux dans la mise en œuvre de ce projet. En effet, l'entreprise Angelic International Limited, qui exécute ses travaux, a refusé d'envoyer des équipements restants, justifiant ce refus par le fait que ses sous-traitants exigent la révision des prix. Ce refus d'envoi attend de ces équipements a un impact sur la fin des travaux du projet, qui était prévu au 31 mars 2023. En plus, Exim Bank de l'Inde, qui a financé les travaux, a suspendu le paiement de l'entreprise suite suite au retard de remboursement du crédit et des intérêts par le gouvernement du Burundi. À travers cette note, il est demandé que le gouvernement du Burundi paie les arriérés du crédit afin qu'Exim Bank End paie à son tour l'entreprise qui exécute les travaux. La note propose aussi que le fondement des réclamations d'Angelic International Limited soit analysé pour qu'une décision conséquente soit prise. Une analyse des clauses du contrat doit également être faite pour qu'elle soit rigoureusement appliquée. À l'issue de l'analyse de la note, le Conseil des ministres a formulé les observations et les recommandations suivantes. Demander un délai de grâce à Exim Bank de l'Inde en faisant valoir les arguments ci-après. Lors de la négociation du crédit, il avait été convenu que le remboursement se ferait avec le début de l'exploitation du barrage. La pandémie du COVID-19 constitue un cas de force majeure qui a handicapé l'avancement normal des activités. Le remboursement ne devrait pas commencer alors que le décaissement du crédit emprunté n'est pas achevé. Négocier des fonds additionnels auprès de Exim Bank d'Inde pour les travaux qui restent, ainsi que le déblocage du montant du crédit restant. Chercher une maison de surveillance habilitée pour analyser et étudier le fondement des réclamations de l'entreprise qui exécute les travaux. Suspendre les travaux liés au bitumage de la route qui accède au barrage afin de réduire la facture des travaux qui restent. Explorer toutes les voies possibles pour que tout le matériel commandé en Inde pour ce projet soit livré. User de tous les moyens possibles pour que la construction du barrage se termine le plus rapidement possible. Prosper Nahor Gwamiye, secrétaire général du gouvernement et porte-parole des éléments sonores que nous devons à nos confrères de la Radio Nationale. Il est 13h, bientôt 3 minutes à Bujumbura et sur Isanganiro. On marque une courte pause. Vous ratez l'essentiel. Le ministère des Finances, du Budget et de la Planification économique a pris une mesure d'exonérer les produits de première nécessité. Dans un communiqué signé le 30 mars 2023, le ministre Audace Niyonzima a fait savoir que c'est dans le but de diminuer la hausse des prix. Compte rendu de lecture de ce communiqué avec Lydie Gahimbare. L'ordonnance ministérielle numéro 540/357 du 30 mars 2023 portant mesure d'application de l'article 81 de la loi numéro 1/22 du 30 juin 2022 portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice budgétaire 2022/2023. L'article 3 de cette ordonnance met en application cet article 81 sur les importations qui bénéficient de l'exonération de la taxe ad valorem de 1,5% de la valeur en douane sont celles couvertes par des lois, des conventions internationales, des traités ratifiés et contrats internationaux signés par le Burundi. Dit qui prévoit dans leur disposition l'exonération de toute taxe à l'importation sont également celles relatives à l'importation des matières premières à l'exception de celles destinées à la fabrication de produits alcoolisés et du tabac. Sont exonérés également les produits relatifs à l'importation de produits alimentaires comme le haricot sec, le riz, la farine de manioc, le sucre, la farine de maïs, le manioc et les graines de maïs. Sont exonérés également celles effectuées par les services publics qui fonctionnent sur base du budget ou des subsides de l'État par les textes de leur mise en place. Sont exonérés également celles effectuées par des missions diplomatiques ou consulaires. L'article 5 de cette ordonnance ministérielle stipule que le commissaire général de l'Office burundais des recettes est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur le jour de sa signature. Lydie Gahimbar. Le concours national édition 2023 se déroulera du 30 mai au 1er juin prochain. Annonce faite ce vendredi dans la capitale politique Gitega par le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique dans une réunion qui se tient à huis clos à l'intention des directeurs provinciaux de l'éducation. Dans son discours d'ouverture, Dr François Vyarimana a indiqué que parmi les points à l'ordre du jour figure l'évaluation de la suite réservée aux questions soulevées lors de ces descentes dans toutes les provinces du pays, ainsi que la question des enseignants en général et celle des professeurs vacataires. Il est prévu que le ministre accorde une interview aux journalistes après cette réunion. La pénurie des produits de la Labraroudi qui s'observe depuis plus d'une semaine dans la province de Bururi provoque des grognes chez les tenanciers d'eau de but de boisson et les bouchers. Les grossistes de produits Braroudi à Bururi font savoir que cette pénurie est due aux travaux d'entretien du matériel à la Braroudi. Ils disent que d'ici ce samedi, ces boissons seront disponibles selon des informations en provenance de la Braroudi, correspondance de Zénon Zambiman. Aucune boisson de la Braroudi à part royale est dans les différents bistrots du chef-lieu de la province de Bururi et de ses environs depuis plus d'une semaine. La nuit de ce jeudi, dans les différents bistrots, faute d'amoncelle et de primus, cette boisson était beaucoup consommée avec beaucoup de grogne chez les consommateurs, dont royale n'est pas leur boisson préférée. Les grossistes nous ont fait savoir qu'ils ont reçu les dernières boissons de la Braroudi en date du 31 mars écoulé. Cette pénurie des produits de la Braroudi à Bururi a déjà provoqué des grognes chez les commerçants grossistes et les détaillants, dont certains qui disent qu'ils ne travaillent plus depuis plus d'une semaine. Des grognes qui se font entendre également chez les bouchers, dont les vendeurs des brochettes dans les bistrots, qui disent qu'ils travaillent aujourd'hui à perte. Tous demandent à la Braroudi de disponibiliser ses produits. Selon les employés du méga de la Braroudi à Bururi, cette pénurie est due aux travaux d'entretien du matériel à la Braroudi, mais ces commerçants seront servis ce samedi si rien ne change. Les consommateurs de ces boissons de la Braroudi, de même que les commerçants, demandent à la Braroudi de disponibiliser pour la prochaine fois le stock de réserve de ces produits pour éviter ces cas de pénurie pendant ces travaux. Depuis Bururi, Zénon Zabimara pour la radio Isanganiro. Merci Zénon. En bref, en actualité nationale et internationale, la campagne de vaccination des enfants de 6 mois à 9 ans s'est bien déroulée à l'hôpital de district de Djabé. Comme a pu le constater notre reporter, certains infirmiers qui font cette activité affirment qu'ils comptaient déjà plus de 150 enfants vaccinés ce vendredi matin à 11h30. L'Assemblée nationale et le Sénat gabonais réunis en congrès ont opéré ce jeudi 6 avril une révision de la constitution du pays permettant de réduire le mandat du président de la République de 7 à 5 ans et le scrutin de 2 à 1 seul tour à moins de 5 mois des élections présidentielles et législatives. Ces changements, en particulier le scrutin en tour, ont été dénoncés par une partie de l'opposition comme un moyen de faciliter la réélection potentiellement à une majorité relative du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui dirige le pays depuis plus de 13 ans. Le Zimbabwe prévoit de promulguer une loi criminalisant le recrutement de son personnel de santé par d'autres pays. Le vice-président Constantino Chiwenga, qui est également ministre de la Santé, a déclaré que la fuite des professionnels de santé équivalait à la traite des êtres humains. Les médias locaux affirment que plus de 4000 infirmières et médecins ont quitté le Zimbabwe depuis février 2021. Le National Health Service du Royaume-Uni est une destination attrayante pour les médecins et les infirmières zimbabwéens car les salaires sont bien plus élevés que dans le pays. Il est bientôt 13h10 à Bujumbura et sur Isanganiro et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Douimana. Passez un très bon après-midi.